La neige qui tombe nous rend parfois mélancoliques, et le son des cloches nous fait penser à la belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 Dequin secteur Mississigny vous souhaitent de très belles fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur de notre emblème général, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 418-276-8611. C'est la chronique de l'association de soccer de Dolbeau Mississigny avec Patrick Tropiano. Salut Patrick! Salut Denis! Patrick, si on y allait maintenant, il n'y a pas été une semaine, on n'a pas fait de chronique la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant au cours des dernières semaines avec l'association? Ben, il y a eu le tournoi de la traversée à Robertval avec nos équipes U8 et U10. Okay. Donc, l'équipe U10 s'est rendue en demi-finale où ils ont été éliminés et l'équipe U8 a quand même s'est rendue en finale où est-ce qu'ils ont gagné la médaille d'argent. Ah, c'est bon ça? Donc, c'est quand même des beaux résultats pour le tournoi pour Dolbeau Mississigny. OK. Et également, je pense, y avait juste ces deux équipes-là qui étaient là ou il y avait d'autres formations qui étaient dans le tournoi? Non, le tournoi Robertval, c'est juste des 8 et 10. Donc, ces deux formations-là qui étaient présentes. OK. Qu'est-ce qui se passe maintenant cette semaine? Le calendrier est recommencé, j'imagine? Oui, bien, cette semaine, on a deux matchs aujourd'hui. Donc, on a le U16 masculin qui joue aujourd'hui à Jean Molbeau, à 19h. OK. Et on a le U16 féminin qui joue au Parc Lyon à 19h30 contre Verval. Donc, c'est les deux matchs cette semaine. On est comme dans la dernière semaine de match, là. Il reste cette semaine, la semaine prochaine. Puis, les séries s'en viennent aussi. La semaine prochaine, dimanche, le 14 août. Donc, est-ce que c'est un début? Est-ce que donc, c'est un début, je veux dire, c'est les séries qui débutent, là? Oui, mais les séries, c'est une journée. Il y a deux matchs. OK, donc c'est un match. Puis si ça marche pas, ben, c'est éliminé. Il y a comme une demi-finale, puis après la finale. Ah, OK. Donc... Est-ce qu'on est positif du côté? Est-ce qu'on a des bonnes chances pour de Dolbeau Mississigny d'aller loin avec nos équipes? Oui, on a quand même le 7 féminin qui risque de jouer les séries. On a au niveau du U12 aussi qu'ils sont quand même bien placés pour jouer les séries et au niveau du senior masculin aussi. OK. Donc on a quand même trois équipes qui sont bien placées pour jouer les séries. OK. Bon, ben on s'en reparle la semaine prochaine, Patrick? Voilà, donc c'était la chronique de l'association de soccer de Dolbeau-Mississigny, Patrick Tropiano.